chevalier du Rialto. Mon château, c'est la lagune, mon jardin, c'est le Lido, mon rideau, le clair de lune. Je l'ai promis.